d'Ouïman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Le président du Conseil national de Bashingana demande la réhabilitation du dit conseil en vue de continuer ses activités comme d'habitude. C'est ce que Adrien Siomana, président de ce conseil, a écrit au ministre de l'Intérieur. Pénurie répétitive du carburant, une question préoccupante pour toute la population. Le président de l'Olicom, Gabriel Roussiri, y voit un problème de planification. Et les radios communautaires font face aux problèmes de finances, matériels et incompétence du personnel. C'est le constat de notre confrère Jérôme Nyonzima qui recommande l'organisation des séances de renforcement des capacités des responsables des journalistes de ces radios. C'était au cours d'un atelier. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le président du Conseil national de Bashingana demande la réhabilitation du dit conseil en vue de continuer ses activités comme d'habitude. Dans une correspondance adressée le 8 mai au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Adrien Siomana, président de ce conseil, a affirmé que les Bashingana restaient toujours utiles pour la société burundaise. Les activités des Bashingana ont été suspendues selon la même correspondance pour ne pas entraver la mise en place des médiateurs collinaires. C'était en 2022. Léonce Vitalio. Dans cette correspondance du 8 mai dernier, le président du Conseil national des Bashingana rappelle qu'en date du 16 septembre 2022, le ministre ayant en charge l'intérieur avait demandé aux responsables administratifs au niveau des provinces que soient suspendues toutes les activités des Bashingana pour ne pas entraver la mise en place des médiateurs collinaires organisés en ce temps dans le pays. Adrien Sibomana affirme que les Bashingana ont respecté cette mesure jusqu'ici. Toutes les activités ont été suspendues, que ce soit au niveau de la tenue des réunions, investir les nouveaux Bashingana ou au niveau de la collecte des cotisations. La seule tâche qui est restée, mais opérée individuellement selon les besoins, c'est de conseiller et régler des cas litigieux. Le président du Conseil national des Bashingana explique alors que 8 mois viennent de s'écouler, les médiateurs collinaires ont été élus et ils vaquent librement à leurs activités dans le pays. Adrien Sibomana se montre satisfait d'une audience lui accordée par le ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 2022, où il semblait lui rassurer que personne ne pourrait stopper les activités des Bashingana et de demander avec insistance au ministre de les laisser continuer leurs activités car, dit-il, les Bashingana n'ont rien de mal pour le pays, à part qu'ils sont plutôt utiles pour la société. Léonce Vitalio, la pénurie répétitive du carburant devient une question préoccupante pour toute la population burundaise et particulièrement pour ceux qui font le transport rémunéré des personnes et des marchandises. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters disent qu'ils éprouvent actuellement des difficultés à pouvoir faire vivre leur famille. Il demande aux autorités habilitées de tout faire pour que l'or noir soit disponible sur les stations-service. Un reportage de Clovis Niongour. Des différentes stations que nous avons visitées à mairie de Bujumbura ce lundi, le fil d'attente sont longs. À la station Mogas Oil, située à Nyakabigade, précisément à 9e avenue, les chauffeurs disent qu'ils viennent d'y passer 4 jours en attente du carburant. Ça fait déjà 4 jours que nous attendons du carburant, mes amis. Nous avons déjà déserté nos familles pour chercher ce produit toujours introuvable. À la station Sodika de Kigobe, l'on est en train de distribuer du carburant, mais là aussi les chauffeurs se plaignent de constater du favoritisme. Nous pouvons passer 3 jours voir une semaine à la recherche de carburant de type essence. Cette situation impacte négativement sur nos familles. Nous demandons aux autorités du pays pour trouver solution à ce problème pour l'intérêt des citoyens en particulier et du pays en général. Il demande aux autorités habilitées de trouver une solution à cette pénurie répétitive du carburant. Nous demandons la disponibilité du carburant sur toutes les stations-service. Par exemple, moi je viens de passer 4 jours sur un fil d'attente. Si toutes les stations possédaient du carburant, tout le monde allait être servi, ce qui n'est pas le cas. Moi, je trouve que réellement, il n'y a pas de carburant, car c'est le désert sur quasi-totalité des nations des stations-service à Amérique de Bujumbura. Depuis le début de cette année, cette pénurie de carburant de type essence est toujours d'actualité. Clovis Nyonghoro, stagiaire à notre station, selon Gabriel Oufiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, le problème de planification en matière d'approvisionnement du carburant figure parmi les causes à l'origine de cette pénurie répétitive. Il plaide pour la bonne gouvernance économique et l'équité dans ce domaine pour résoudre durablement ce problème de pénurie du carburant. Selon moi, il y a un problème de planification parce qu'il n'est pas possible que tantôt c'est l'essence qui est en pénurie, tantôt c'est mazout. Donc, je vois qu'il y a un problème de planification. Souvenez-vous que ce problème existe depuis le début du mois de mars en 2022. Si vous vous souvenez, il y avait à cette époque des causes exogènes, certes, mais les causes endogènes étaient vraiment prépondérantes. Pourquoi ? Parce que parmi les causes exogènes, on parlait de la guerre que la Russie a déclenchée en Ukraine. Certes, il y a eu vraiment cette cause, mais c'est la cause qui a fait que les prix au niveau international remontent. Mais les autres pays, parce qu'ils ont planifié, parce qu'ils avaient cette politique de planification, ils n'ont pas subi les conséquences que le Burundi est en train de subir depuis mars jusqu'à maintenant. La deuxième chose, c'est le monopole. Souvent, au niveau du gouvernement, ils n'acceptent pas cela, qu'il y a un problème de monopole. Mais il est clair que Prestige amène seul le produit et les autres importateurs achètent chez Prestige. C'est comme ça. Donc, nous pensons que ce deuxième problème doit trouver la solution dans la transparence de la gouvernance. Le troisième problème, c'est le problème en rapport avec les devises. Les devises au Burundi, c'est clair que c'est problématique. Et comme c'est problématique, les spéculateurs sont là pour en profiter. Moi, je pense que vraiment cette question doit être prise en main par le chef de l'État. La solution sera la gouvernance en général et l'équité. Gabriel Oufiri, président de l'Olicom, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la télévision Isanganiro. Et la circulation à bord des véhicules à vitres teintées est interdite sans autorisation préalable au Burundi. Les propriétaires de ces véhicules ont jusqu'au 28 mai pour se conformer. Le ministre en charge de la sécurité publique, Martin Niteretse, qui l'a annoncé lundi après-midi dans un point de presse, explique que cette mesure est motivée par la recrudescence de la criminalité commanditée par des personnes qui voyagent à bord de ces véhicules à vitres teintées. On l'écoute au micro de Jean de Dieu Irakoze. Ces derniers temps, on a eu des crimes commis par les gens qui sont dans des véhicules, surtout les jeeps et les camionnettes à vitres teintées. On fait état d'enlèvement de personnes où les gens sont enlevés. Et des fois, on nous dit qu'il y a des gens qui ont été escroqués, faisant état de transport gratuit, communément appelé Rift, et se retrouvent dans des lieux non souhaités. Et on le dépouille de tout ce dont il dispose. Désormais, consécutivement à cet état de fait, on a pris la mesure d'interdire la circulation des véhicules à vitres teintées sur tout le territoire national. On donne une période d'ici dimanche le 28 mai 2023 pour que tout le monde s'ajuste à cette donne-là. Comment s'ajuster? Celui qui a le besoin de circuler à bord d'une voiture à vitres teintées demandera obligatoirement et préalablement une autorisation de circuler à bord de ce type de véhicule et la demande sera adressée au ministre de l'Intérieur, du Gouvernement de la Sécurité publique et la réponse lui sera donnée après analyse des faits cités dans la demande selon le besoin du requérant. Alors celui qui sera surpris. À partir de lundi, à bord de ce véhicule-là, il sera sanctionné sévèrement parce qu'on va le taxer de complice à la criminalité. Voilà donc, à partir d'aujourd'hui, ils ont ce délai-là de se conformer à cette décision et celui qui aura ce besoin pourra demander l'autorisation préalable. Et toutes les mesures qui s'imposent ont été prises pour assurer la sécurité en Provence et Bururi. Le ministre en charge de la sécurité publique, Martin Iteritse, qui rassure dans un point de presse ce lundi, affirme pourtant qu'il y a eu défaillance au niveau de la quadrilogie qui serait à la base de la non-maîtrise de cette insécurité rapportée depuis un certain temps en Provence et Bururi. Et l'honorable Ernest Nahimana, élu dans cette circonscription, appelle les habitants de la province de Bururi à la solidarité et assistance en ces moments d'insécurité, surtout en commune Bururi. Il fait savoir que les élus du peuple sont en contact régulier avec les autorités provinciales en vue de démasquer le groupe d'individus qui sème la terreur dans cette commune ces derniers temps. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans notre province natale. Et il y a un petit groupe qui s'est mis à tuer les gens, mais apparemment l'administration a essayé de maîtriser ce petit groupe. On nous a dit qu'il y en a eu qui ont été attrapés et maintenant qui sont devant les instances habilitées pour les enquêtes. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en collaboration avec l'administration et il est prévu dans ces prochains jours des réunions de sécurité. Et nous croyons qu'à la sortie de cette réunion, il y aura des mesures qui seront prises pour faire face à ces malfaiteurs. Sénateur élu en province Bururi, quel appel aux habitants de Bururi ou à d'autres qui habitent la province? Et pour le moment, ce que nous demandons à la population, c'est de rester serein, d'essayer de secourir les gens qui sont attaqués, et aussi de suivre les instructions données par l'administration. Comme ça, nous croyons que quand même la situation pourra changer. Honorable Ernest Nahimana, élu sénateur élu dans la circonscription de Bururi, qui répondait aux questions de Mireille Cagnac. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les radios communautaires font face aux problèmes de finances, matériels ainsi que l'incompétence du personnel. Propos tenus ce lundi à Gitega par un expert en journalisme qui a fait une étude sur la vie de ces radios. Jérôme Nyonzima recommande l'organisation des séances de renforcement des capacités des responsables et des journalistes de ces radios. C'était au cours d'un atelier de production et validation d'un accord cadre d'appui de l'Association burundaise des radiodiffuseurs et de la Maison de la Presse visant l'opérationnalisation du réseau des radios communautaires au Burundi. Suivez Jérôme Nyonzima. Les radios communautaires connaissent de nombreux défis qui sont liés notamment à l'insuffisance ou au manque de ressources. Et les ressources étant de trois ordres, il y a les ressources financières, il y a les ressources matérielles, mais il y a aussi les ressources humaines. Notre grand défi aujourd'hui, c'est un problème de modèle économique des radios communautaires. Aujourd'hui, les radios communautaires ne savent pas qu'ils ont des particularités comparées aux autres radios. C'est notamment le fait que ce soit des radios qui doivent travailler pour l'intérêt des communautés dont ils sont l'initiative. Et ils oublient que l'intérêt de la communauté doit être le guide ou le leitmotiv de cette radio. Et vous trouvez maintenant un autre grand défi qui est lié à la couverture, a un impact très sérieux au niveau des partenaires techniques et financiers. Quand la radio communautaire doit déposer un projet pour financement, le bailleur lui demandera toujours quelle est la taille de votre audience. Et quand vous allez dire que vous couvrez une province, deux provinces, trois provinces, le bailleur dira merci, votre communauté, c'est une cible intéressante, mais peut-être un autre bailleur viendra vous aider. Maintenant, quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées? Premièrement, il faut que les responsables des radios communautaires soit renforcée en capacité, surtout au niveau managérial. Les responsables des médias ont besoin de comprendre le modèle économique qui soit adapté aujourd'hui. Ils doivent quitter le mode d'attendre les financements qui viennent des bailleurs et d'imaginer plutôt un modèle où ils doivent être proactifs. Ils doivent envisager des activités d'autofinancement. Ils Notre solution, c'est par rapport à la formation. Comme on est en éternel recrutement, on a toujours des nouveaux journalistes qui ont besoin d'être formés. Une dernière piste de solution, c'est de rentrer dans la logique, d'élaborer des projets macro. Imaginez aussi des projets qui dépassent le Burundi, qui couvrent toute la sous-région, East Africa Community ou la région des Grands Lacs. Ça peut intéresser beaucoup plus les bailleurs. Radio Isanganiro, chronique sport. L'équipe vainqueur du championnat national de la première division Primus League représente le Burundi dans les compétitions africaines de la Ligue des champions. Général de brigade de police Alexandre Mouyenge, président de la Fédération burundaise de football FFB, indique en général que ces équipes participent à ce championnat tout en précisant que les trois dernières équipes sur le classement sont reléguées au championnat de la deuxième division. Jean-Marie Vianney Gendakoumana. Ce championnat de football en première division, communément appelé Primus League, qui s'est clôturé le week-end écoulé, a vu la participation de 16 équipes en général. Général de brigade de police Alexandre Mouyenge, alias Manalex, président de la Fédération burundaise de football FFB, indique que les trois dernières équipes sur le classement vont être reléguées au championnat de la deuxième division. Le championnat burundais, communément appelé Primus League, est composé de 16 équipes. Et ces équipes jouent en deux phases, il y a phase aller, phase retour. À la fin du championnat, trois équipes sont reléguées en deuxième division et les trois premiers de la deuxième division sont promus à la première division. Après le championnat, l'équipe vainqueur reçoit la coupe et une enveloppe de 30 millions, tandis que sont primés également les meilleurs joueurs et le meilleur coach. Après aussi le championnat, à la fin, nous devons primer les équipes selon le classement. Nous avons aussi d'autres joueurs qui sont primés, notamment le meilleur joueur de l'année, le meilleur gardien de l'année, la révélation de l'année, le meilleur coach. Chacun reçoit 1 million et nous allons continuer comme ça. Ce président de la Fédération burundaise de football FFB fait savoir que l'arbitrage dans ce championnat reste le défi majeur de se plaignent souvent les amateurs du ballon rond. Les défis sont certains seulement par rapport aux arbitres, par rapport aux organisations. On peut reporter un match peut-être 3 jours, 4 jours avant. Alors c'est sûr qu'une des deux équipes va se lamenter. Oh, pourquoi vous avez fait ça alors que j'étais déjà organisé comme ça? Il y a d'autres lamentations, mais qui ne sont pas très alarmantes. Seulement dans la société, c'est comme ça. Mais vraiment, le gros effet, l'organisation, je peux dire que c'est au top. À cela s'ajoute le comportement indigne de certaines équipes qui utilisent les fétiches, selon toujours général de brigade de police Alexandre Mouyenge. C'est vraiment regrettable et nous devons lutter contre ça. Souvent, lorsqu'on est au terrain, on voit certains comportements qui sont en dehors de notre football. Vous êtes témoin, certaines équipes refusent d'aller au vestiaire alors que le règlement est là, mais les équipes bafouent, ne veulent pas entendre parce que le problème qu'ils ont, la croyance de ces fétiches, moi je ne crois pas à ça. Et parce que si les fétiches jouaient, nous allions évoluer à un échelon supérieur par rapport au niveau actuel que nous sommes. C'est pour cela que j'ai déjà instruit à la commission juridique de pouvoir statuer sur ça pour vraiment faire face à ce problème. Il exhorte les joueurs burundais qui évoluent dans le championnat Primus League de jouer avec l'ambition de participer dans d'autres championnats internationaux. Les conseils sont nombreux, mais d'abord, je pouvais plaider surtout pour la discipline, parce que sans discipline, tu ne peux rien faire. Surtout à nos jeunes joueurs, qu'ils visent d'abord l'avenir. Parce que, étant au Burundi, en jouant au Burundi, je peux dire qu'on ne gagne presque rien. Alors, qui ne joue pas pour seulement jouer, pour faire plaisir au public sportif? Non, qu'ils jouent en visant loin. Il y a leurs aînés qui sont déjà en Europe, en Asie, ici en Afrique, où le football est déjà développé, qu'eux aussi puissent ouvrir leurs yeux, qu'ils regardent leurs aînés, parce que c'est leur développement, c'est leur avenir, et c'est ce que je peux dire. C'est la formation Mamoudou de la province Chibitoke qui a été sacrée pour la première fois champion de la Primus League édition 2022-2023. C'était samedi de la semaine écoulée au stade Urunani, se trouva dans la commune Buganda en province Chibitoke. Cette victoire donne à cette équipe le droit de représenter le Burundi aux compétitions africaines de la Ligue des Champions de cette année. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.